Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Bonsoir, bonsoir, bonsoir pour notre troisième soirée en ce dimanche de Pâques. Je sais pas pour les gens, mais moi, je me suis sentie vraiment cette semaine un peu comme dans un malaxeur qui spinne à haute vitesse. Et ce soir, je suis un petit peu sur le neutre, mais bon, c'est un rendez-vous quand même. Alors, une semaine, c'est ça, assez lourde et difficile, notamment pour la liberté d'expression. Guy Boulian, l'initiateur de Radio Impact, a vu son compte Facebook entièrement effacé, alors incluant toutes ses publications, vidéos, ses 5000 contacts, tout. Il y a David Icke avec sa vidéo sur la conspiration du coronavirus en faisant le lien avec la 5G. Une vidéo qui a dépassé les 3 millions de vues, qui a été effacée par YouTube et Vimeo. D'ailleurs, YouTube a assuré qu'il retirerait toutes les vidéos associant le coronavirus, en parenthèse le vaccin, à la 5G. La vidéo de David Icke est toutefois disponible sur la page de London Real. Et la pétition de Guy Boulian a partagé pour le traitement de la COVID-19 avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine au Québec et disponible sur la page de Facebook de Radio Impact. Et il y en a d'autres, toutefois, il y a d'autres pétitions, puis moi j'ai envie, avant de tomber dans la belle sans la bête, de parler de ça. La semaine dernière, jeudi, en tout cas vers la fin de la semaine, je suis tombée sur ce texte d'une blogueuse que j'aime beaucoup et qui a appelé son blog « Conscience du peuple ». Alors je vous lis ça. La psychologie inversée est une technique de communication consistant à tenir un discours ou adopter une attitude allant à l'encontre de ce que l'on souhaite en fait suggérer. Cette technique s'appuie sur la réactance, c'est-à-dire le fait qu'un individu qui s'aperçoit que l'on tente de le convaincre tend par esprit de contradiction à faire croire ou croire l'opposé de ce qui lui est suggéré. Est-ce que la stratégie des autorités du Québec, particulièrement la position « arc-en-ciel » entre guillemets, annoncée aujourd'hui, donc ça c'était vendredi, de laisser miroiter à la population un retour imminent à la normale? Cette conférence de presse, je le constate sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, suscite une réaction vive et indignée des citoyens qui implorent le gouvernement de nous garder confinés. Les autorités, déjà fixées sur un confinement prolongé, ne portent donc plus l'odieux de mettre la société et l'économie à l'arrêt, puisque c'est la population qui l'exige. La psychologie inversée permet de donner une impression de pouvoir à la population, et par le fait même, ça diminue l'indignation généralisée pouvant mener à la désobéissance, voire à la rébellion. Peu de temps après, alors elle revient avec avec ceci. La psychologie inversée semble effectivement à l'œuvre et très bien fonctionner. Une pétition est déjà rendue à presque, mais là je pensais, là je parlais voir avant, là c'était rendu à combien, mais juste en très peu de temps était rendue à presque 50 000, puis là évidemment elle est bien au-delà de ça, en quelques heures. Le sujet de la pétition, fermeture des garderies et des écoles au Québec jusqu'au mois de septembre. Le texte de la pétition. Le Québec connaîtra un pic important au cours des prochains jours avec la propagation du COVID-19. Il n'est pas question de mettre en danger la vie des enfants et des adolescents en ouvrant les garderies et les écoles en mai. Là, c'est écrit en gras, là, la suite. Faisons prendre conscience, excusez-moi, au gouvernement du Québec. Alors, je répète, faisons prendre conscience au gouvernement du Québec que l'ouverture des écoles et des garderies en mai est irréaliste et dangereux pour les enfants, les familles et leurs intervenants. Il faut contenir la courbe et attendre que la situation se soit améliorée. Prenons l'exemple de plusieurs provinces au Canada qui n'ouvriront les écoles qu'en septembre cette année. Alors voilà, c'est officiel, le peuple est amoureux de ses chaînes, il en demande. Et puis, c'est sûr que sous-entendu à ça, plusieurs, avec ce chèque là qui est envoyé, tout ça, qui est un petit peu la philosophie là du revenu là, citoyen, qui est aussi dans les tendances prochaines, on le sait bien. Alors, tout ceci fait que, voilà, c'est les citoyens qui demandent ça. Quant à lui, le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a annoncé mardi dernier que le gouvernement du Canada verserait immédiatement 3 millions de dollars à plusieurs organismes afin de protéger les citoyens de la désinformation au sujet de la pandémie. Parmi les organismes sélectionnés figure la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On se rappellera de cette citation de Malcolm X que j'aime beaucoup. Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire les coupables des innocents. C'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Mercredi, toujours cette semaine, Legault confirmait le projet de géolocalisation. Le lendemain, Trudeau affirmait qu'il n'y aurait pas de retour à la normale avant le vaccin. Alors, on assiste à une collusion hallucinante, une corruption qui gouverne les médias, les multinationales, comme on a rarement vu. Dans ce monde gangréné par le gain et le pouvoir qui bafoue l'humanité, à chacun de nous de devenir des recherchistes, de chercher des infos justes et de les diffuser pendant qu'on peut encore le faire. Brian Rose, le fondateur et l'animateur de London Real, a dit à propos de la censure YouTube, « Cette politique est terrifiante dans son approche orwellienne. Elle dicte des sujets que nous n'avons pas le droit de défier, de discuter. » C'est une menace pour notre démocratie en tant que communauté mondiale. Il semble que la police de la pensée ait commencé à opérer alors que tout le monde est distrait par la crise actuelle. En période de tromperie universelle, dire la vérité est un acte de résistance. Puis on le sait, plus le mensonge est gros, mieux il passe. Je vais y aller avec une petite pause avec Derek Klang et Life and Time. It is time for me to drift on to the unknown. And maybe I've seen too much. Maybe I need to be alone. But it's you who traveled a long, long way from here. We had our ups and downs. You always made it clear. Retourner dans La Belle sans la Bête. Dans son ensemble, la société est hyper sexualisée, bombardée, inondée d'images explicites à longueur de journée, et ce, de plus en plus tôt dans la vie. Certaines marques n'hésitent pas à sexualiser les enfants dès l'âge de 4 ans et même avant. Il existe des souliers à talons hauts pour poupons, en matière chiffon bien sûr, mais tout de même le look y est. On peut voir des photos de Suzy Cruz, la fille de Tom et de Cathy, qui dès ses 3 ans déambule en talons hauts, tenant la main de sa mère d'une main et sa doudou de l'autre. On trouve aussi sur le marché des soutiens-gorge pour des bambines qui n'ont pas encore de sein, évidemment, ou des strings pour fillettes intitulés « Clin d'œil » et « Bonbons pour les yeux ». Mener une double vie pour une gamine, c'est vieux comme le monde. Piquer le maquillage et les chaussures à talons de sa mère qui ne l'a pas fait. Ce qui est davantage inédit maintenant, c'est la complicité de certains parents pour travestir leur enfant. L'enfant jouet devient une projection d'eux-mêmes, une petite marionnette que l'on peut façonner à sa guise, quoique ça a toujours existé à quelque part aussi. Tout est prévu pour coincer les fillettes dans cette combine. Le soutien-gorge rembourré, le maquillage, les mini-strings, etc. Lors d'un numéro de Noël, un magazine français hyper glamour a mis en scène des bambines de même pas 10 ans, ultra maquillée, posant sensuellement, et quand je dis sensuellement, c'est très sensuellement, en tenue luxuriante et talons aiguilles. En Grande-Bretagne, une esthéticienne a décidé d'injecter du Botox tous les 3 mois à sa fillette de 8 ans. « Ça l'aidera à devenir une star, » dit-elle. « Je sais qu'un jour, elle sera top modèle. En lui faisant ses traitements maintenant, je m'assure qu'elle gardera un visage de bébé plus longtemps. » La réplique de la gamine est tout aussi effarante. Ça, c'est la petite fille qui dit « Je vérifie tous les soirs si je n'ai pas de petites rides. Et si j'en ai, je redemande plus d'injections. Avant, ça faisait mal, mais maintenant, je ne pleure presque plus. » Je veux aussi une opération pour avoir des seins et une sur le nez bientôt pour devenir une star. À son âge, difficile de faire la part des choses. Pareil, un petit toutou bien dressé, d'abord faire plaisir à maman. Aux États-Unis, excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge ce soir, ainsi qu'en Europe, on a découvert dans les rayons pour enfants une gamme de cosmétiques anti-âge et un kit pour transformer votre petite fille en danseuse de pole dance. Le prêt-à-monter contient une barre, une jarretière et un DVD proposant des chorégraphies sexy et lascives. Après un tollé de plusieurs parents, le jouet a été retiré, mais reste offert dans la section des accessoires fitness. Aux États-Unis, les tweens, les préadolescents donc, dépensent près de 24 millions annuellement en produits de beauté. Et des chaînes comme Walmart ont lancé des gammes de produits de maquillage spécialement pour les petites filles. Walmart, c'est bien intéressant comme multinationale dans la dérive. Véritable, les minimis font le show. Véritable institution aux États-Unis. Les concours de beauté destinés aux bambines suscitent un vif engouement. Nombreuses sont les mères qui inscrivent leurs petites filles dès leur plus tendre enfance. Les plus jeunes, les baby stars, ont à peine 2 ans et parfois moins, tout juste sortis des couches. Par la suite, déjà dans leurs premières années là, d'enfants, maquillage outrancier, fossiles, perruques et postiches, blanchiment des dents, auto-bronzant, ongles rapportés, sex appeal oblige. Ces mouflettes exécutent un numéro de singe chavant fignolé au quart de tour. Paraît que ça les rend heureuses, vraiment. Vêtues comme de petites catins, elles s'exhibent sur leur escarpin à talons hauts devant un public béat d'admiration. Dans l'un de ces concours, on a vu récemment une enfant de 2 ans présenter une chorégraphie inspiré d'un show de Madonna habillé avec le fameux bustier pointu. Qu'en est-il lorsque les flashs de la scène s'éteignent? On voit des images de coulisses contredisant cette vision de rêve. Les sourires racoleurs, les poses sexy et les déhanchements font alors place aux jérémiades, aux ras-le-bol, aux pleurs et aux soupirs. On le serait à moins après des heures et des heures de « souris, ne souris plus, tu t'es trompé, regarde bien le jury ». Déjà, même dans le monde des adultes, le jeu de la séduction, ça peut être épuisant. Annuellement, environ 250 000 petites Américaines participent à quelques 5 000 concours. C'est assez troublant d'entendre des bambines âgées de 4 ans avancer « Je vais faire un malheur sur scène. Mon rêve, régner sur le monde. » Ou alors « La journée a été longue, je vais repartir avec mon argent. » Un programme, bien sûr, qui leur fait croire qu'elles ne valent que par leur apparence. La tendance s'exporte en Europe. Dans un numéro, c'est ça, du magazine Vogue, on a vu des fillettes environ de 6 ans, habillées et grimées comme des dames de luxe, posant dans des tenues suggestives. Look vulgaire aux États-Unis ou glamour chic en Europe, c'est du pareil au même. On parle de l'exploitation érotique de petites baby Barbie. Bien sûr que ces fillettes commencent à se représenter comme des objets sexuels. À qui la faute et quel est le message lancé aux pédophiles? Lorsqu'on songe à ces bébés reines de beauté, difficile de ne pas penser à John Bennett Ramsey, championne de ce type de concours, sordidement assassinée le jour de Noël 1996 à l'âge de 6 ans. Retrouvée le même jour dans le sous-sol de la maison familiale dans une ville du Colorado. Les images choc, à la limite du supportable, révèlent le dernier enfer de cette petite playmate miniaturisée. Son cadavre, dont les poignets ont été attachés et la bouche obstruée par du ruban adhésif, présentait aussi des marques de strangulation et autres violences, évidemment sexuelles. Paraît-il que l'affaire n'a pas encore été résolue véritablement. Sa mère, Patty Ramsey, elle-même ancienne reine de beauté, est décédée d'un cancer des ovaires en 2006 à 49 ans. Petit joujou pour adultes. Dans la foulée, une société japonaise commercialise des poupées modèles enfants, taille réelle pour adultes. Articulées, elles se retournent dans tous les sens et leur bouche s'en trouve goulûment. L'un des fabricants explique « Nous produisons nous-mêmes la plupart des composantes de la poupée. Il faut beaucoup de temps pour reproduire entièrement le mouvement du corps humain. Sa peau est douce comme de la guimauve et elle est faite de matière qui se rapproche le plus de la peau humaine. Nos poupées sont les seules au monde à pouvoir remplacer une vraie fillette », dit-il. Ces poupées, plus vraies que nature et surtout moins rouspéteuses quand elles vont au lit avec tonton ou papa ou n'importe qui, sont vendues au Japon, bien sûr, là où les héroïnes nubiles pullulent, mais aussi en Amérique et en Europe. Certains prétendent que c'est une bonne chose, les pédophiles pouvant ainsi assouvir leurs penchants sans abuser de vrais enfants. D'autres craignent plutôt que le modèle répète l'idée qu'un psychopathe se fait d'abord la main et les dents sur de petits animaux avant de massacrer des êtres humains. Et peut-être que pour certains, la silicone ne pourra remplacer longtemps la chair fraîche. Enfants au menu. Le militantisme pédophile visant à faire accepter socialement la pédophilie ou simplement en faire l'éloge s'est essentiellement développé durant la révolution sexuelle. C'est dans les années 1970 que la communauté pédophile a profité de la lutte contre la persécution envers les homosexuels aux États-Unis pour réclamer leur propre droit, qui est celui de jouir sans entrave. C'est-à-dire que non, pour les pédophiles disaient « Nous avons le droit de jouir sans entrave, peu importe l'âge des personnes impliquées, et ainsi contester les notions de majorité sexuelle et d'abus sur mineurs. » Le mouvement milite pour la suppression de divers obstacles légaux et sociaux contre les activités liées à la pédophilie, notamment les lois criminalisant les activités sexuelles adultes-enfants, la classification de la pédophilie en tant que maladie mentale ou la perception négative qu'a l'opinion publique de cette attirance. Mais en même temps, c'est ça, hein, c'est un peu comme... Le goût qui dit « Bon, parfait, on s'en va, là, on ouvre tout, puis là, c'est l'histoire. » Non, non, on reste fermé, tu sais, c'est un peu la même chose, tu sais. On fait toute une culture, toute une programmation sur les enfants, puis après ça, mais on s'étonne et on fait semblant, tu sais, de pas être jamais, nous, responsables dans tout ce qui a été tricoté comme dérive là-dedans, puis je vais y revenir là-dessus éventuellement. Alors, pour renforcer les troupes, la communauté pédophile a instauré l'international Boys Love Day, pour ceux qui aiment les petits garçons, et le Alice Day, pour les épris de petites filles, afin de célébrer leur attirance sexuelle pour les mineurs. Des générations d'enfants sont souillées par l'hypersexualisation et ses conséquences, car conséquences il y a. Je vais faire une petite pause avec, son nom est difficile à dire, Christophe Sky, Summer Has Long Hair. Yeah. Et maintenant, je vais faire un petit détour vers aussi quelques jouets débiles à faire aux enfants. Outre des livres conçus pour préadolescents ressemblant davantage à des récits érotiques, le marché des jouets débiles bat son plein. De mon temps, les poupées pouvaient marcher et dire bonjour. Voilà qu'elles font pipi. Certains portent un fœtus dans leur ventre. Et oui, une poupée au look de poupon enceinte. Aussi en vrac, des peluches comme Pie et Pou en forme de pipi et de caca, moult figurines à gonfler par le pénis, ou des figurines fusil à l'eau qui arrosent avec une gâchette à la place du pénis, le doigt d'E.T. qui rappelle vachement plus un pénis qu'un doigt, des décorations murales pour la chambre de bébé où les personnages s'imbriquent rappelant les pénétrations sexuelles, des poupées vendues avec leur dancing pole, etc. Mais il y a d'autres choses aussi, comme faire des tablettes Ouija rose bonbons pour les enfants, ou le Evil Stick. En Ohio, une mère de famille a acheté pour sa petite de 2 ans ce qu'elle croyait être une baguette de princesse, le Evil Stick, dans un magasin à grande surface. En retirant la feuille d'aluminium sur le haut du jouet, elle a fait une étonnante découverte. Derrière cette pellicule s'affichait la photo d'une gamine au look satanique, en train de se trancher les veines. Revenons à des valeurs sûres comme Disney. La poupée Sadness, Tristesse, un personnage tiré du film Inside Out de Disney Pixar, a horrifié quelques parents. Lorsqu'on lui touche la main, elle prononce une dizaine de phrases. Les mots ainsi que le ton de la voix sont fort déprimants. Un père l'ayant acheté pour sa fillette est en colère. Cette poupée Disney a des pensées suicidaires, dit-il. Elle dit des choses comme « Je suis dans une crise émotionnelle. Je ne peux plus bouger les jambes. Je dois oublier que je suis rondelette. Adieu l'amitié, bonjour la solitude, etc. » D'autres parents se sont plaints. La poupée parle d'un ton très lent, des styles abattus et mélancoliques, très lourd, trop lourd même pour des adultes. La poupée exprime des messages vraiment dommageables pour les jeunes enfants, en particulier pour les préadolescents. À noter que le personnage Joy, tiré du même film, est fort mince alors que Tristesse est boulotte, découragée et malheureuse. Sur la boîte de la poupée figure l'avis suivant, convient aux enfants âgés de 3 ans et plus. Doit-on s'étonner que les médicaments antidépresseurs soient de plus en plus prescrits aux enfants et adolescents, peu importe si ces molécules modifient la chimie de leur cerveau. Déjà au cours de ma propre adolescence dans les années 1970, mes copines et moi, on en faisait des concours de minceur. Svelte et lancée sans 1 gramme de gras, on était encore sous le joug du top modèle Twiggy, qui jouait les stars sur les couvertures des magazines. Menu, la poitrine plate, elle est le label phare des 60s. Tout comme elle, des gros seins, on n'en voulait pas. On voulait rien de gros, en fait. Pour mettre nos jeans hyper moulants, il fallait s'étendre sur le lit pour pouvoir remonter la fermeture éclair. Trop grosse, trop plate, trop ceci, trop cela, une vieille litanie. Un sondage britannique effectué auprès d'adolescentes révèle que 75% d'entre elles suivent une diète pour améliorer leur apparence physique. Selon elles, la pression de toujours être belle représente l'aspect négatif d'être une fille. Si vous n'êtes pas belle, vous vous faites intimider, dit une d'entre elles âgée de 16 ans. À seulement 11 ans, une autre ajoute, les filles suivent des diètes pour rester minces et ainsi devenir mannequins et avoir plus de chums. Hyper stimulé, dès le berceau, l'enfant d'aujourd'hui évolue saturé d'écran 24 sur 24. Le soir, il regarde des séries pour ados et l'interréalité. Dès l'âge de 6 ans, les fillettes minaudent sur les photos de leurs idoles et se trémoussent comme elles, ce qui n'est pas non plus nouveau, sauf que là, bien sûr, avec les réseaux et tout ça, ça prend d'autres proportions. Les mini-Lolita sont ados avant même d'avoir atteint la puberté. Mégane, 11 ans, est l'une de ces gamines qui abondent dans les cours d'école. Face au miroir, elle boude. Sa poitrine est trop plate, c'est normal, ainsi que ses fesses. Le fin duvet qui recouvre ses jambes lui fait horreur. Elle commencera donc à s'épiler. L'épilation intégrale suivra, c'est certain. Et puis les cheveux, vite des mèches, le maquillage, toutes les filles le font. Alors sa mère cède. Devant le miroir, elle pose la bouche racoleuse, le dos bien cambré, en petite séductrice miniature. Toute trace de sa candeur enfantine a disparu. Puis je vais revenir à tout ce qui influence ces petites filles. Les fillettes se présentent en classe avec des t-shirts dévoilant leurs épaules et leurs soutiens-gorge pigeonnants, en mini-short, laissant paraître le mini-string ou les leggings moulants et fardées comme des professionnels. C'est une véritable épidémie, se désole une prof. Parfois, on se demande si elles n'ont pas redoublé trois fois tellement elles font plus âgées. Plongées de plus en plus tôt dans un univers hyper sexualisé, les préadolescentes sont de plus en plus nombreuses à se dénuder à moitié en photo sur leur page Facebook. Pas étonnant qu'elles veuillent se conformer au modèle dominant. Recherche d'identité oblige. Nous sommes toutes passées par là. Sauf que maintenant, les Lady Gaga, Britney Spears, Nicki Minaj, Rihanna, Miley Cyrus, surtout elle, etc., haussent la barre de la femme-objet. Fabuleusement sexy, tour à tour soumise ou dominatrice et toujours vulgaire. On se souviendra de Lady Gaga sur un tapis rouge avec sa robe faite de pièces de viande. Ça puait, mais j'aimais ça, avait-elle commenté. Violence, nudité et sang, voilà leur grand thème. Toutes ces stars mises sur leur sex appeal pour rehausser leur popularité et se vendre. Fait intéressant, Miley Cyrus, la star chouchou qui contribue à l'éducation de nos petites filles et qui, dans la vidéo de sa chanson Wrecking Balls, se balance nue sur une grosse boule en léchant des haltères, ou sur une autre, quand elle chevauche une saucisse géante, est un pur produit de Disney. En 2006, elle campait le rôle principal d'une série intitulée Hannah Montana. Diffusée sur Disney Channel, cette série met en scène la double vie d'une jeune fille. Miley Cyrus verse maintenant dans la provoque extrême. Que se passe-t-il avec les stars de Disney comme Justin Timberlake, Britney Spears, etc., à mesure qu'elles grandissent? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans le visionnement au ralenti de nombreuses scènes de dessins animés de Disney. Ça vaut le détour et j'invite vraiment les gens à faire ce détour-là. Dans un clip intitulé « Baby Talk », Miley Cyrus en rajoute une couche, c'est le cas de le dire. Vêtue en bibi sexy, en couche puis en pyjama à pattes, elle lèche un biberon géant. Plus loin, on la voit aussi fumer de la drogue via ce biberon. Bibi Miley se promène à quatre pattes et écarte les jambes en crachant « Fuck me ». D'autres illustrent paroles de sa chansonnette « Mais baise-moi et arrête de ne parler que sur Internet ». De quoi offrir bien des « One Dream » aux pédophiles. Le monde artistique d'aujourd'hui est infesté d'idéologies dégradantes et malsaines. Que veut-on vendre exactement à nos jeunes magnétisés par ces idoles démonisées? Miley offre des shows franchement dépravés. Au programme, masturbation, fellation, position du micro à hauteur de son vagin, tirage de l'encre et twerk torride. Le twerk, véritable sensation sur Internet, est une contraction du mot twitch, qui veut dire mouvement convulsif, et jerk, qui signifie saccade. Une version intensifiée du célèbre booty shake qui est l'art de faire vibrer, bouger, sautiller les fesses. En clair, twerker, c'est danser d'une manière sexuellement provocante en faisant des mouvements de hanches, en poussant vers l'avant et en tenant une position accroupie, et souvent en s'accompagnant d'un frottement sur le sexe d'un partenaire. popularisée par des vedettes comme Beyoncé, Rihanna et Miley Cyrus, cette danse est descendue dans la rue et a fait son entrée dans les cours d'école, dans les chorégraphies des cheerleaders, etc. Certaines directions ont même demandé aux collégiennes de ne pas twerker lors du bal de fin d'année. J'ai visionné une vidéo dans laquelle une jeune fille twerk remue son arrière-train et son sexe de façon explicite à 2 pouces du nez d'un bébé âgé d'un mois à peine. C'est assez troublant. Je vais y aller avec une petite pause musicale. Autre fureur sur la toile, c'est la multiplication des dogfaces. Les filles s'étirent les lèvres en bec de canard, en une moue exponentielle exorbitante, nettement démesurée. Un rappel dans la mémoire collective, probablement de l'archétype du sex appeal des pénobles des années 50 et 60, la bouche en cœur, ça perdure. Un des créateurs du site américain anti-dogface, qui contre-attaque l'engouement pour la tronche de canard et les recense, explique « Ça nous faisait rigoler entre copains. On trouvait vraiment que les filles avaient l'air stupides avec cette pose. On était loin de s'imaginer que notre petit site débile allait avoir un tel succès. » Fin des guillemets. Teen et Starlet s'y mettent et inondent la toile de selfies. L'autoportrait pullule sur Facebook, Twitter et Instagram. Et plus le selfie est insolite, inusité, spectaculaire, plus il est populaire. Yvon Deschamps nous avait prévenu, voilà quelques décennies, avec sa célèbre boutade, on veut pas le savoir, on veut le voir. Le monde est devenu un immense selfie. Nous sommes à l'ère du spectacle où la violence et la vulgarité sont tour à tour banalisées, encensées, voire glorifiées. Une ado ici au Québec avait semé les mois avec son compte Facebook. Elle y pose en tenue sexy, osée, se déshabille et propose des vidéos provocatrices. Avec des milliers d'amis et d'abonnés sur sa page, la jeune d'aujourd'hui peut difficilement se passer de popularité, peu importe le prix à payer. Elle se fait traiter de salope, de déchet, de folle, mais elle-même se décrit comme une bitch et une pute. Ça vole bas. Le langage est violent et les incitations au suicide sont de la partie. Mais tout n'est-il pas permis pour devenir une star du web? Si leur vedette chouchou n'hésite pas à provoquer, pourquoi ne pas en faire autant? Leur idole semble avoir besoin d'être nue pour exister et garantir leur place dans le show business. La jeune exhibitionniste québécoise a tenté d'expliquer ses frasques en voulant démontrer que c'est facile de scraper une vie avec Facebook. Être jeune et faire dans la bravade, provoquer, fanfaronner, faire fi des tabous et limites, créer un ailleurs fantasmé, quoi de plus naturel. Avec leurs mains cornues, leurs doigts d'honneur, leurs tatouages et leur langue sortie, les jeunes y vont allègrement. Mais plusieurs moins jeunes aussi. Je reviens aux jeunes. Ils marquent leur peau, la poinçonne, l'estampe d'une enfilade d'images pour se démarquer. Le tatouage, ça peut aller loin. Maintenant, je suis accro. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter qu'on fasse une jeune tatouée. Avoir mal, c'est se sentir vivant, raconte une autre. À chaque séance d'environ 4 heures, je pleure de douleur, avoue une autre. Mazo, les tatoués? À l'origine, cette coutume servait à différencier les tribus. La tradition s'est poursuivie. Elle a permis de révéler l'appartenance à un groupe, soit marin, prisonnier, membre de gang, motard, rocker, gothique, etc. Un tatoueur explique, sur 10 personnes qui demandent un rendez-vous, 7 veulent le même tatouage que leur célébrité préférée. Quel conformisme! C'est une pratique primitive qui remonte à la nuit des temps. En 1991, on a retrouvé dans les Alpes le corps momifié d'un homme de 5300 ans qui affichait 16 tatouages. Écrire sur soi, comme un enfant qui dessine sur ses bras pour signifier « ce corps est à moi ». Cela dit, un nouveau type de tatouage gagne en popularité, le tatouage de l'œil, de l'iris plus précisément. Aux États-Unis, c'est devenu une mode depuis qu'un criminel surnommé Iceball a suscité l'attention des médias à cause de son œil gauche entièrement noir. Voilà qui n'est pas sans rappeler les démons aux yeux noirs, supposément les démons les plus basiques et les plus nombreux. Quoi qu'il en soit, le résultat est plutôt effrayant. Quant à la scarification, elle est une forme extrême et permanente de modification corporelle offerte dans plusieurs salons de tatouage et de perçage ou en cachette entre amis. La peau est brûlée, coupée, grattée ou étirée. Par exemple, on peut s'entailler la peau des poignets, des bras, du ventre ou des cuisses à l'aide d'un objet aiguisé, généralement un rasoir. À l'origine, la scarification se pratiquait lors de rites de passage de l'enfance à l'adolescence, d'appartenance à un groupe, et était exécutée par une personne extérieure. Cette pratique était ritualisée, très codifiée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, commente Catherine Rioux, psychologue. Les ados s'inspirent de ce rite primitif sans en connaître vraiment le sens. Cette forme d'automutilation gagne en popularité chez les 12-17 ans, particulièrement chez les filles. Au départ, le jeune se scarifie pour soulager une douleur morale, mais plus il le fait, plus il devient prisonnier des symptômes. Son corps va réclamer cette souffrance et c'est le cercle vicieux, explique Xavier Pomerleau, pédopsychiatre. Tout comme l'anorexie ou la boulimie, c'est une façon de prendre le contrôle sur son corps. Une façon de se libérer de la colère, de l'angoisse, de la tristesse, de mal-être qui s'exprime à travers une violence retournée contre soi. Assez paradoxal, se faire mal pour arrêter de souffrir. Ce que je n'arrive pas à dire, je vais le tracer sur ma peau. Catherine Rioux poursuit, pour les mères de ces ados, s'apercevoir que leur enfant se scarifie est insoutenable. Elles ont l'impression de vivre cette automutilation dans leur propre chair. Pour son heure de gloire, le jeune est prêt à tout et surtout au pire. Un mouvement enthousiaste sur les réseaux sociaux, la NEC Nation, Neck Nomination, une version trash de donner au suivant. Il s'agit de boire cul sec en se filmant devant une webcam et en invitant ses amis à en faire autant et, si possible, plus. Les copains désignés ont 24 heures pour relever le défi. À défaut de quoi, il y a risque d'exclusion de la gang. Et, je le répète tout le temps, dans l'animalité humaine, l'exclusion est la pire des sanctions. Et ce, tant pour les jeunes que pour les plus vieux. Les necks nominateurs conjuguent souvent leur soûlerie avec une activité dangereuse, comme se jeter dans une rivière ou s'enflammer, etc. Le porn revenge. Se venger de son ex-copine et la faire expier en postant des photos ou des vidéos sexuelles d'elle dans des positions obscènes accompagnées de commentaires humiliants et dégradants, voilà le principe du revenge porn, la nouvelle façon de punir l'ex-petite amie. Ce phénomène né aux États-Unis étend son appendice de vendetta un peu partout sur la planète. On avance que certains sites spécialisés parviennent à récolter chaque jour plus de 30 000 $ en recettes publicitaires et attroupent environ 300 000 visiteurs quotidiennement. Quelques sites ont un onglet qui permet de retirer la ou les photos, mais bien sûr la personne doit d'abord aligner plusieurs centaines de billets. Hunter Moore, un jeune Américain, créateur d'un des premiers et importants sites du genre, l'homme le plus détesté d'Internet, comme l'a surnommé le magazine Rolling Stone, a déclaré « Une chose est sûre, je vais en profiter au maximum. Je ne suis jamais là où on m'attend. Je me renouvelle en permanence. J'ai déjà gagné beaucoup d'argent et je vais continuer à en engranger. Tant qu'il y aura des seins, je ne vois pas comment ça pourrait retomber. Je sais comment manipuler les gens pour gagner de l'argent. » Fin de la citation. L'âge des ex qui se font piéger varie entre 13 et 14 ans. Voir son journal intime publié sur Internet, rien de plus efficace pour déconfler et se sentir illico, loser absolu. Internet et ses réseaux sociaux, dans bien des façons, permettent une violence inégalée envers soi-même et envers les autres. Je vais encore mettre une chanson, une jolie chanson de Philippe Bear, Let Go. Let go of your mind. Let go. Let go. Bien évidemment aussi pour toute cette culture et cette mode de tatouage, bien le tatouage à RFID va être beaucoup plus simple à imposer, hein, parce que ça va être cool, sharp et vraiment excitant. Maintenant, je vais faire des liens avec l'actualité plus du moment. Alors, pourquoi le boom du trafic sur Pornhub est inquiétant? C'est paru dans le magazine Terra Femina. Le géant du X a annoncé donner l'accès gratuitement à son abonnement premium pour la durée du confinement aux Italiens, aux Espagnols et plus récemment aux Françaises. Depuis, le trafic explose. Tout comme les paroles des survivantes qui rappellent que la plateforme a diffusé des vidéos de leur viol. L'info est presque devenue une blague. Pour divertir les confinés, le site de streaming de porno américain Pornhub propose son abonnement gratuit pour tout le monde. Les gens sont coincés chez eux. Ils auront tout le temps de se masturber, ont certainement pensé les instigateurs du projet. Sauf que le problème, ici, n'est pas tant le motif que les contenus. Car impossible de l'ignorer, Pornhub fait l'objet de nombreuses accusations de femmes dont les viols ont été filmés puis diffusés sur ce site et de victimes de revenge porn, dont je parlais tantôt, recueillant des millions de vues. Un exemple, le 3 avril, Rose Kalemba a voulu dénoncer les coûts de publicité pour présenter une image caritative du site, comprendre notamment la gratuité pendant le confinement, rappelant le sort qu'il lui a réservé. Ils ont payé exactement $0 de réparation à moi-même ou à tout autre enfant dont ils ont autorisé le viol à rester sur leur site web, ce qui les a enrichis et nous traumatisés encore davantage. En 2009, la plateforme a revendiqué 42 milliards de visites, une entreprise qui s'enrichit notamment sur la détresse de plusieurs femmes. Je vais revenir un petit peu à... Parce que moi, ce qui m'a beaucoup ému et chamboulé cette semaine, ben, c'était de voir la censure. La censure de plusieurs bonnes informations qui disparaissent. Et c'était de voir aussi beaucoup les citoyens de demander à Legault, non, on veut pas là être déconfiné maintenant, faut que ça reste comme ça, prenez-en conscience, mon bon gouvernement, mon grand sauveur, tu sais, fais pas le fou là, mon bon berger, tu sais. Et ça m'a, c'est sûr, je chantais là, je savais que c'était là dans notre monde, mais ça m'a comme ça m'a un petit peu bouleversée. Je vais aller avec un beau petit texte de Mira. La grande majorité des êtres humains sont comme dans une prison dont toutes les portes et les fenêtres sont fermées, ce qui les fait suffoquer naturellement. Mais ils ont en eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres et ils ne s'en servent pas. Il est vrai que pendant un temps, ils ne savent pas qu'ils ont la clé. Mais longtemps après l'avoir découverte et qu'on leur a dit, ils hésitent toujours à l'utiliser. Ils se demandent si cette clé a bien le pouvoir d'ouvrir les portes et les fenêtres, ou même si c'est une bonne chose de les ouvrir. Et même quand ils se sentent qu'après tout, ce serait bien, il reste des peurs. Qu'arrivera-t-il quand ces portes et ces fenêtres seront ouvertes? Et ils ont peur. Ils ont peur de se perdre dans la lumière et la liberté. Ils veulent rester ce qu'ils appellent, entre guillemets, eux-mêmes. Ils aiment leurs mensonges et leur asservissement. Quelque chose en eux l'aime et continue à s'y accrocher. Ils ont toujours l'impression que sans leurs limites, ils n'existeront plus. Alors, même en temps de non-crise, c'est comme ça. Alors, en temps de crise, ça prend des dimensions aberrantes, et nous dit ça. Mais puis, de jour en jour, moi, je ne sais jamais qu'est-ce que la journée va nous apporter comme nouvelle aberration. Bon, mais c'est à suivre. Puis à propos de cette photo d'arc-en-ciel que l'on voit partout là, se balader sur les réseaux sociaux et qui dit ça va bien aller, hein. Il y en a même dans les fenêtres de maison, sur les vitres de voiture. Et puis j'ai vu passer quelque chose un update de ça parce que moi j'ai jamais été capable de faire circuler cette image-là, tu sais. Puis là on voit un petit mouton, tu sais. Puis il vaut mieux ajouter, tu sais, si tu te réveilles, ça va bien aller. Tu sais, il y a des chances que, oui, si on est en état d'éveil, que ça se passe mieux. Alors voilà, comme je vous l'ai dit au tout début, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter pour ce soir? Ben, plus on est informé, plus on est libre et plus on peut choisir. M'informer, ben c'est me former, puis détruire tout conditionnement, informer, nous fermer, maîtriser, ça nous prend des outils pour gérer notre vie, puis ça, c'est à l'information qu'on la doit. Et vous rendez-vous compte à quel point que si les informations sont éliminées, effacées, comme ça se produit à la vitesse grand V en ce moment, à quel point ça veut dire que c'est de l'information importante. Si elle fait si peur, c'est parce qu'elle est très importante. Et il y a une forme d'engagement là, social, communautaire, à se partager là, tu sais, ces informations-là, puis dans un objectif de nettoyer le monde de beaucoup de parasites, à se déconditionner pour éviter d'être les esclaves de toutes ces propagandes. Alors, c'est bien sûr ce que je nous souhaite à tous. Je vais revenir avec, en tout cas, plein de trucs par rapport à la belle sans la bête et cette façon de programmer les fillettes et les petits gars aussi, hein, en passant dès l'enfance. On va aller voir les dérives. Puis notre responsabilité à nous tous là-dedans, tu sais. J'ai une amie, tu sais, qui me rappelait de temps en temps, tu sais, qui me répétait, oublie pas, hein, c'est un monde à notre image, tu sais. Fait que là, c'est vraiment notre responsabilité, notre engagement de ouf, transformer là, cette image-là, tu sais, puis c'est chaque individu à l'intérieur qui a ce pouvoir-là. Puis moi, je nous souhaite à tous d'ouvrir nos portes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous laisser sur une musique. Juillet 2014. J'ai mal au genou droit, je marche et je comprends. Le calme a pris le dessus, la vie a déserté la grande ville. Paris n'est plus qu'une coquille vide. Je n'aperçois même plus le faible à mes pieds, ni le fort intérieur en cuir. Entre le SDF et le contrôleur du métro, ma bourse est délestée. À croire qu'ainsi vont les 20 juillet. Entre soif et la rica, entre soi et la roquette, je pense à fumer la moquette. Si seulement les SDF en avaient. Direction insistée, ouverture décentralisée. J'entame mon sandwich climatisé. Davantage de technologie dans un pouce carré de chicken cheese que dans l'habitacle de la Clio année 1994. Ingénierie alimentaire pour mon ego, pour mon égal, pour mon santé, pour mon ego, pour mon égal, pour mon santé. Écouteurs dans les oreilles, le son est en mono. Foutue technologie, je ne serai sourd que de l'oreille gauche. Les cours sont au top, l'Allemagne a gagné. Viva la Mannschaft et la BCE. Overdose de sel, overdose de l'Ouest. Dans 5 mois l'hiver, viens, on se prend un trimestre. Overdose de sel, overdose de l'Ouest. Dans 5